franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Raymond Devos. Jacques Chancel. Raymond Devos, à quel moment l'absurde devient-il réalité ? Est-ce au moment où vous arrivez quelque part ? Parce que lorsque vous entrez, c'est déjà un moment de vérité. Un moment de vérité pour qui ? Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pas... Alors, vous voulez dire par là que je fais peur ? Vous pouvez inquiéter, justement, parce que vous poussez l'absurde si loin qu'on peut croire que c'est la vraie réalité. Eh bien, il faut bien tout de même souligner l'absurde, étant donné que c'est le ton du XXe siècle. Alors, et puis moi, il n'y a que ça qui me frappe. Je ne suis pas frappé par autre chose. Je veux dire, c'est l'absurde, c'est parce que la raison est mise en échec. Même en raisonnant bien, on finit par ne plus avoir de force. Et je crois que c'est ça qui fait que l'esprit chavire, c'est que on ne sait plus trop, il n'y a plus de point d'appui solide. Moi, je crois pas. Le monde est fou. Ben, je crois qu'il l'a toujours été. Et c'est bien. Mais maintenant, ça devient sensible. Beaucoup plus sensible. C'est bien. C'est-à-dire que s'il était véritablement fou, il devrait le déclarer, le dire. Dire « je suis fou », ne faites pas trop attention à ce que je dis. Ce serait très honnête de la part du monde. Or, le monde n'en a pas. On a l'impression qu'il n'en a pas. Il n'a pas l'intention de faire cette déclaration. C'est pour ça que ça me semble dangereux. Mais Raymond Devos, on a l'impression que vous êtes toujours sur vos gardes, à l'écoute. Oui, mais je crois que effectivement, je suis toujours sur mes gardes. Oui, je suis sur mes gardes parce que j'exerce un drôle de métier. C'est un métier de Vous parliez de folie, c'est quand même un métier de fou. C'est-à-dire que je cherche toujours ce qui peut amuser les gens. C'est tout de même une drôle de démarche. Donc de la vie, vous avez fait un jeu. Oui, pour moi, c'est effectivement ça qui prime. Je laisse aux autres le soin de raconter les nouvelles. C'est-à-dire d'attrister les gens en général, malheureusement. Je me charge, dans la mesure de mes possibilités, d'essayer de distraire les gens, c'est-à-dire d'apporter ce petit grain. Je me suis surpris l'autre jour sur scène à raconter ça aux gens parce que tout d'un coup ça me prend. Je disais l'autre jour, comme ça, je me suis surpris à me regarder dans la glace. Et j'ai été parfaitement ébloui par la beauté de la mécanique humaine. Et je commence à parler de la mécanique humaine. Et je dis que, malheureusement, il peut y avoir tout d'un coup un grain de sable qui vient m'attraquer la déchine. Et tout d'un coup, on sent que tout se déglingue, vous voyez ? Simplement parce que le grain de sable, il s'est installé quelque part. Je veux dire, ça vient, voilà, parce que c'est vrai. Ben, il suffit aussi d'un grain de sable moral pour tout détraquer, voilà ce que je veux dire. En fait, c'est la bêtise qui vous amuse et qui vous donne du talent. Oh ben la bêtise, vous savez, c'est... Et vous en jouez, vous en profitez. Mais je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais plus trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Ben, si on savait ce que c'était, moi la bêtise, quelquefois je suis très surpris parce que... J'écoute des choses intelligentes, et puis, s'il fallait les classer, je les classerais dans un tiroir, le tiroir à bêtises. On peut être drôle intelligemment. Si on est vraiment drôle, on ne peut l'être qu'intelligemment. Ou alors, avec l'intelligence des autres. Mais je crois que la drôlerie, c'est une certaine forme de l'intelligence. Je dirais pas de la sensibilité, parce que bon, mais là sûrement que l'intelligence, dire des choses amusantes, s'amuser des choses, c'est une démarche intelligente. J'en suis à peu près sûr. La plupart des choses, c'est, et aussi une remarque que j'avais faite, c'est que le corps humain est silencieux. C'est une mécanique qu'on n'entend pas. À moins de crier, à moins de brailler, à moins de se manifester bruyamment. Enfin, mais ça, c'est une mécanique. C'est remarquable, la mécanique humaine est étonnante. une espèce de gesticulation, elle nous dépasse. C'est... Alors dès qu'on se... Je veux pas dire qu'on se regarde, je veux dire qu'on... Mais dès qu'on s'interroge, dès... on est paumé. Moi, je trouve que... Il faudrait presque vivre bêtement pour vivre heureux. Or tout de même, de la part d'un homme, vivre bêtement, c'est embêtant. Raymond Devos, vous êtes étonné par ce que vous êtes, par ce que vous êtes devenu? Je suis étonné de subsister. Traverser la vie, c'est difficile, c'est toujours plein d'embûches, et quelqu'un qui arrive à subsister comme ça, qui s'en sort pas trop mal, c'est déjà presque une manière d'exploit. Vous parliez de bruit, de fureur, vous pourriez jouer dans un film muet? C'est trop tard. C'est trop tard. J'aurais aimé jouer il y a 50, 60 ans. Enfin, j'aurais aimé jouer au moment du muet. Ça, sûrement. Ça devait être quelque chose de fantastique. Maintenant, est-ce que j'aurais eu le talent, le talent de cette espèce de génie du geste qu'avait Charlie Chaplin et autres, et Buster Keaton? Ça, c'est autre chose. Mais il y a quand même une grandeur dans le silence. Et puis, en plus, une difficulté énorme, s'exprimer sans le truchement du verbe, sans passer par le truchement du verbe, me semble tout de même une très grande difficulté. C'est oublier la beauté des mots, la beauté des phrases, et cela... Et la clarté aussi, c'est tout de même... Mais regardez, Raymond Devos, dans votre numéro, lorsque vous faites votre sortie de cosmonaute... Je vous vois encore descendant du piano et partant. Et tout à l'heure, j'ai eu un coup de téléphone de mon ami Follon. Oui. Et Follon me dit, qu'est-ce que j'aimerais faire un film avec lui, mais un film muet. C'est pour cette raison que je vous posais la question. Oui. Oui, je comprends. Ce serait assez fantastique. Enfin, vous avez la parole, mais vous savez également vous servir de votre corps. Et C'est très important. Tout est important chez l'homme. Récemment, j'étais allé au cirque. Excusez-moi, j'aime bien passer du coq à l'âne comme ça, mais je suis allé au cirque et il y avait des singes. Il y a un numéro de singes. Et alors, évidemment, on a voulu faire une photo. Alors, je me suis mis parmi des singes. Et alors, j'ai pris un singe comme ça dans mes bras et alors il m'a donné la main. C'est une petite main froide, mais... Et alors, ce singe me regardait avec une tendresse. Il mettait sa tête comme ça sur mon épaule. Et il avait un regard, j'ai là où j'ai compris quand même quelque chose. C'est que, par exemple, mon chien, quand il regarde, son regard est dynamique. Son regard est tourné vers la réalité, vers les gens qui sont autour de lui. Quand il me regarde comme ça, il me pénètre presque. Et un singe, lorsqu'il vous regarde, on a l'impression qu'il se regarde dans une glace et qu'il ne voit pas son reflet. Le singe est arrivé à... Il n'a pas dépassé une limite. Il n'a pas franchi le pas de la réflexion. Mais il était sur le point. Et il y a dans son regard une espèce de regret éternel, de regard figé. J'ai cru sentir ça. C'est peut-être de la littérature, tant pis. Mais, par exemple, chez mon chien, je ne sens pas jamais la joie chez mon chien, mais je sens la tristesse. Lorsque je pars et que mon chien sent, a deviné que je partais, il me regarde avec un regard d'une tristesse infinie. Le singe, je ne les ai pas assez fréquentés, pardonnez-moi, pour donner des détails. Mais a priori, un regard de singe, c'est un regard qui est bloqué à jamais. C'est un regard qui est resté entre l'animalité et l'intelligence. Alors, je ne peux pas, évidemment, nous, c'est fantastique. Nous, on s'est vu dans la glace, et il y a eu cette réflexion de l'image, et la réflexion de la pensée. Enfin, une réflexion, voilà, ce qu'on appelle la réflexion, c'est tout. Le singe, il peut se regarder dans la glace, même son image, elle ne le réfléchit pas. Vous faites une différence entre votre vie professionnelle, c'est-à-dire le moment où vous êtes sur une scène, et puis le moment où vous êtes dans la ville, dans la rue? Êtes-vous le même homme? Parce qu'on a l'impression que ça continue. Je ne suis pas du tout le même homme. Je suis le même homme, mais je ne suis pas du tout dans les mêmes ambiances. Dans la vie, ici, je suis dans la réalité. Et j'y suis totalement. Mais lorsque je suis sur scène, je suis dans l'irréalité. Oui, mais quand même... Je suis dans quelque chose préparé. Oui, mais des textes qui sont la réalité. Bien sûr. mais qui deviennent parfaitement irréelles dès que je commence à les dire à une certaine heure en un certain lieu. Enfin, ah, vous écrivez... Je chasse la réalité pour faire place au rêve. Parce que dès qu'on frappe les trois coups, qu'on tire le rideau, la réalité s'en va. Oui, mais quelle différence il y a entre la chose écrite et la chose parlée? Parce qu'à un certain moment, vous devez faire un livre, puis vous êtes arrêté. Attendez. La peur d'écrire, alors que vous écrivez. Oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je peux très bien improviser un sketch. Je veux dire, le parler avant de l'écrire. Et c'est souvent comme ça qu'un sketch me vient. Je commence par le parler, quelquefois à me le parler. Et une fois qu'il est dit, je peux l'écrire. Mais écrire, écrire quoi? Je veux dire, écrire, je peux écrire à mes parents, et puis je peux écrire de ce qui me passe par la tête, et puis je peux écrire une belle histoire. Ça veut rien dire, écrire. Vous comprenez? Il y a pourtant des gens qui exercent le métier d'écrivain. Mais ils écrivent, bon, c'est leur moyen d'expression, mais avant tout, ils racontent une histoire. Bien. Moi, il me semble que tout d'un coup, écrire des choses, j'allais dire pour écrire, lorsque je sens qu'on attend de moi que j'écrive quelque chose, je n'en ai plus envie du tout. On pourrait croire que votre vie est un numéro, comme si vous vouliez vous amuser pour oublier. Oublier, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ce qui est vrai, inquiétude. Je pense que c'est tout de même pour oublier une certaine réalité. Si on veut regarder la vie gravement, c'est une épreuve. Lorsque vous vous écoutez, vous vous faites rire? Lorsque je m'écoute déraisonner, je m'amuse souvent. Lorsque je m'écoute dire des choses graves, je ne me fais pas rire du tout. Je m'inquiète. Enfin, depuis un certain nombre d'années, on écrit sur vous, Raymond Devos. On dit, voilà comment il est, voilà comment il raisonne, voilà comment il se conduit. C'est-à-dire qu'on vous raconte comme vous ne pourriez jamais vous raconter, peut-être. Absolument, absolument. Alors, surpris. On dit des choses exactes? Quelquefois, oui. Vous êtes reconnu dans des papiers? Ah oui, souvent. Je trouve que c'est une bonne analyse. Peut-être forcément incomplète. Forcément. Moi, je bouge tellement. Je vous l'ai déjà dit, je peux dire une chose un jour et puis quelques jours après dire absolument le contraire. Ça dépend de avec la plus grande sincérité. Avec la plus grande sincérité. C'est une question d'humeur, c'est une question de... Il y a une chose à écrire sur l'humeur. Je trouve que c'est assez fantastique, selon... Par exemple, dire... ça se voit, par exemple, en voiture, c'est caractéristique. Raconter, par exemple, que j'arrive à un carrefour... Je vois arriver une voiture sur ma droite, elle a la priorité, je m'arrête pour la laisser passer. Et le type, lui qui est de bonne humeur, décide de me laisser passer, de s'arrêter, et malgré la priorité, de me laisser passer. Et moi, je me dis, c'est merveilleux ce type, il est de bonne humeur, c'est pour la belle humeur. Il est de bonne humeur, alors il a le geste, il me fait passer. Bien. Si moi, je suis de bonne humeur aussi, mais si je suis de mauvaise humeur, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ce type, il est bête. Il a la priorité, il n'en use pas. Il ne me laisse pas, c'est un imbécile. Vous voyez ce que je veux dire? Selon l'humeur dans laquelle on est, on peut très bien vraiment réagir d'une façon tout à fait différente. Il faut compter avec les humeurs, voilà ce que je dis. Comme avec les sentiments. Un jour, Raymond Devos... On fait un peu fi des sentiments. Vous saurez vous taire? Non. C'est-à-dire que quand on ne m'interrogera plus... Vous interrogerez à ce moment-là. Peut-être que je m'interrogerai, mais ce sera déjà, en tout cas, j'aurai déjà fait un pas. Enfin, le jour où je ne me serai plus interrogé. Lorsque vous êtes sur la scène, vous avez l'impression d'être en pleine solitude ou vous êtes avec les autres? Oh, vous parlez d'une solitude, je suis avec 800 000 personnes. Oui, mais avec vous-même surtout. Ah oui, mais vous êtes tout seul dans tout ce que vous faites. Je suis tout seul avant, et puis je suis tout seul après. Mais pendant... Je suis les autres. On est en pleine communication. Et vous savez vite lorsqu'ils sont avec vous. Ça se reconnaît à des petits signes. Ah ben ça c'est fantastique. Ça ne s'explique pas ça. Dès que l'on rentre sur scène, dès que l'on s'adresse aux gens, on sait s'ils vous écoutent ou pas. Vous pourriez faire confiance, vous, Raymond Devos? Ça m'est un peu difficile. Parce que vous êtes trop occupé de vous-même? Occupé de moi-même, forcément je suis occupé de moi-même, mais qui ne l'est pas? Je veux dire, c'est... Occupé de soi-même, J'ai l'impression que je suis moins occupé de moi-même que mon voisin qui s'occupe de sa voiture et de sa famille. Moi, je sais pas, peut-être que je suis un affreux égoïste, je n'en sais rien, mais je n'en suis pas si sûr que ça, finalement. Parce que, oui, je suis préoccupé de moi-même, mais je suis préoccupé de moi-même pour en tirer quelque chose. Je veux dire, c'est positif. Ce n'est pas une contemplation béate. Je ne suis pas en contemplation béate devant moi-même. Oui, mais je suis constamment surpris par ce que je suis, par ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire le fait d'exister, d'être conscient d'exister, me surprend, m'étonne et me ravit aussi. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler tout le temps. J'ai envie de montrer comment on vibre, comment ça se passe, comment on réagit, quels sont nos besoins, quels sont nos ridicules, quelles sont nos qualités, quels sont nos grands moments, quelles sont nos aspirations. C'est ça qui me fascine. Et je voudrais en parler tout le temps. Seulement, parler de ça, il y a des gens d'ailleurs qui sont mieux placés que moi, parce qu'il y a des gens qui se sont posés sur, qui ont étudié toutes ces questions avec beaucoup d'attention et beaucoup de soin. Moi, je suis un petit peu, je suis le bouffon quand même. Alors j'ai envie de parler tout ça en parlant des petits travers. Le bouffon, oui, pas. Mais vous savez que vous êtes le bouffon génial, on l'a beaucoup dit, et vous finissez par le croire. Hein? Absolument pas, justement. Vous comprenez ça? Ça, on me l'a souvent dit. Quelquefois, je me suis posé la question tout de même. Je me suis dit, à force, vraiment, on le dit tellement. Et puis, à la réflexion, non. Non, à la réflexion, non. Bah, vous savez que vous avez un don. Ben, Dieu merci. Je veux dire, s'il n'avait pas ce don, je ne pourrais pas exercer ce métier. Je suis sûr d'avoir en tout cas, d'être doué. Pour provoquer le phénomène commis. Sans ça, je me permettrais pas d'exercer ce métier. C'est un métier tellement difficile. Bon, d'ailleurs, le public me le dirait tout de suite. Me l'aurait dit. Il m'aurait dit, monsieur, vous ne vous amusez pas. Un autre. Enfin, Raymond Devos, vous passez votre vie à montrer les ridicules des autres. Vous connaissez vos ridicules à vous? Oh oui. Oh, peut-être pas, j'en ai tellement, vous savez, que j'ai peut-être pas encore fait le tour du bonhomme. Mais, oui. Vous êtes capable d'engager le dialogue avec ridicules, vous-même. Les ridicules, vous savez. On les a tous. L'autre jour, je regardais les caractères de la Bruyère. Je relisais les caractères de la Bruyère et je me rendais compte que il y a presque pas de qualité. Ce sont presque toujours des ridicules, comme vous dites. Ce qui est tout de même un peu surprenant. C'est l'orgueilleux, le jaloux, le gourmand, ce ne sont que des défauts. C'est assez déprimant, finalement. Alors qu'il y a d'autres caractères. Oui, encore là, vous avez la notion de caractère. Je vais peut-être dire des bêtises, mais j'en dis tellement. Mais que moi, les caractères, je trouve ça curieux. Je trouve que, les gens ont du caractère ou n'en ont pas. Mais un caractère, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout un caractère. Il y a des sentiments, des idées chez quelqu'un. Et puis une prédominance, pour certains défauts. Mais je pense pas qu'on peut... Il n'y a pas l'avare, tout ça... Je suis curieux qu'on appelle ça des caractères. Enfin, il faudrait s'entendre sur le mot caractère. Mais vous comprenez qu'on puisse s'interroger sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, sur ce que vous donnez. Oui, j'allais dire, je laisse faire. Un jour, on parlera de la sagesse de De Vos, de la philosophie de De Vos. Déjà, il y a des études. Alors, vous les motivez, études, ou bien... C'est en dehors de vous. Ça ne me concerne pas. Je veux dire, par moment, si je m'y arrête un peu, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt flatteur. Mais ce n'est pas du tout essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que je continue d'amuser les gens. C'est primordial, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ce que je fais et ce que je continue de faire. Vous avez été inventé pour amuser les gens. C'est du moins ce que je crois. Tout à l'heure, Raymond Devos, je vous demandais, et si demain vous n'aviez plus de succès? Et on est passé à autre chose. Vous sauriez, par exemple, assumer un échec? Ça me serait très difficile. Inacceptable. Peut-être. Je ne sais pas trop ce que je ferais. C'est le public qui n'aurait plus de talent. Je pense que par coquetterie, il y a quelques années, j'aurais dit « je ferai autre chose ». Je n'en suis plus sûr du tout. C'est comme une passion et on ne sait pas... ce qu'on peut devenir dans la mesure où on supprime une passion. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et moi, je n'en sais rien du tout. Ce serait quand même un grand drame. Quelquefois, le hasard fait bien les choses et que on meurt à temps. Il y a des gens qui meurent quand il faut. Et moi, je voudrais mourir quand il faut. Je voudrais mourir comme tous ces comédiens qui meurent sur scène. C'est-à-dire qu'ils meurent en plein rêve. C'est comme des aviateurs qui meurent en plein ciel. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une plus belle mort. Molière est mort admirablement, à la mesure de son génie. C'était indépendant de sa volonté. Mais on imagine mal Molière vieillissant dans un coin, sans doute abandonné plus ou moins. On n'imagine pas. Déjà, quand le roi faisait semblant de bouder, il en était fort marri. Il en était extrêmement touché, blessé même. Il y avait des amitiés et des admirations dont il ne pouvait pas se passer. Et je crois que des artistes, enfin moi, je crois qu'il y a sûrement des amitiés, pour ne pas dire des amours, dont je ne pourrais pas me passer. Et sans doute cette espèce d'échange fantastique, l'échange fantastique qui se passe entre les gens et moi, dans la mesure où il rentre dans mon rêve, dans mon histoire, comme lorsque je serai privé de ça, et il me manquera quelque chose d'essentiel. Si Dieu vous rappelait à lui, vous auriez l'impression de laisser trop de choses sur Terre. Je pensais bien que vous alliez, à un certain moment, prononcer le nom de Dieu. Oui, parce que nous le prononçons souvent mais, tous les deux. Mais si Dieu me rappelait à lui, c'est... Je ne peux pas répondre à cette question-là. Disons que oui, si Dieu me rappelait à lui, oui. Non. Dieu doit rappeler des gens qui ne croient pas en lui, parce que tout le monde meurt. Alors que croyant ou incroyant... Alors... Vous êtes un athée croyant, hein. Ah, moi, je ne sais pas, j'ai une drôle de foi. J'ai une drôle de foi. J'ai parlé de Dieu, d'ailleurs, parce que lorsque nous sommes ensemble, c'est vous d'abord qui me parlez de Dieu. C'est vous qui commencez. Oui. Donc c'est... Eh bien, alors arrêtons. Il vous poursuit. C'est un problème capital, c'est un problème terrible. Alors, c'est un problème qui nous dépasse, nous le savons bien. C'est le problème de croire. Ah, c'est croire ou ne pas croire, c'est comme je disais, croire aveuglément exige une réponse. Ah. C'est en manière de boutade quand même, prenons pas ça au sérieux. Enfin, vous avez été inventé pour le théâtre plutôt, pour vous montrer, pour convaincre, c'est parce que lorsque vous n'arrivez pas à convaincre, vous êtes malheureux. Oui, mais j'ai été inventé pour le théâtre. Oui, mais heureusement qu'on a inventé le théâtre, parce que qu'est-ce que je serais si le théâtre n'existait pas? Ce qu'on appelle le théâtre, il se passe là, dans ce lieu, ce qu'on appelle la scène, des phénomènes fantastiques qui frisent par moments le religieux. Ah, c'est évident. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de contemplation, vous êtes un contemplatif. Je sais pas trop ce que je suis. Je me débat, cher Chancel. C'est bien de ne pas savoir ou pas? Non, moi, je trouve que finalement, ça doit être bien. Puisque chaque fois qu'on cherche à savoir, on n'y arrive pas. Alors, dans la mesure où on croit à la vie, quand même, où on est relativement optimiste, on doit finir par admettre que c'est bien de ne pas savoir. Puisque d'ailleurs, on ne peut pas. Il y a une limite. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais savoir, qu'on ne peut pas savoir. Bon, alors c'est... Ça, c'est ça. Moi, je trouve ça finalement très bien, si vous voulez. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des zones d'ombre, qu'il y ait des lieux inaccessibles. Je dirais même qu'il faudrait peut-être les protéger. Je trouve ça fantastique. Tout comprendre d'ailleurs, tout comprendre quoi, qu'est-ce que vous voulez comprendre? On peut rien dire, on est tellement dépassé par les choses. dès qu'on essaie un petit peu de comprendre, on est quand même pris de vertige. Regardez le ciel, c'est... Pris de vertige, mais vous ne pourriez pas vous passer de ce monde. Et si un jour vous... Mais je ne peux pas... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ou bien alors je mets fin à mes jours. Ah non! Ou non? Bon, je vous remercie, vous êtes gentil quand même de m'interdire. Bon, non mais vous comprenez ce que je veux dire? À un moment, j'ai pris conscience d'exister, et j'existe, et je vis, pour employer un mot moderne, j'assume ma vie, jusqu'au moment où quelqu'un me la retirera pour vous faire plaisir. Oui, mais un jour, peut-être, vous vous arrêterez. Mais pourquoi faire? Je crois que je continuerai à vivre exactement dans la mesure où j'arrêterai. Bon, la vieillesse, peut-être, bon. Mais je continuerai à vivre de la même façon. Bon, je continuerai à rêver, à écrire des petites histoires, j'en suis à peu près sûr. Je ne les présenterai plus. Ces histoires resteront dans mes tiroirs. Mais je continuerai sûrement à... Je ne peux pas m'empêcher de vivre d'une certaine façon. Ça, je ne peux pas. Alors, il se trouve que il y a une application fantastique par le truchement du spectacle, que les histoires, qu'il y a des lieux où je peux raconter ces histoires, où les gens viennent les entendre. C'est fantastique. Bon, évidemment, si tout d'un coup ce phénomène-là ne se faisait plus, bien, peut-être que je continuerai à raconter des histoires pour moi, mais ça m'étonnerait. Lorsque vous êtes sur une scène, il faut vous prendre au sérieux? Car ce que vous dites, très souvent, c'est sérieux. C'est pas sérieux du tout. Vous l'accompagnez de nos rires. Ah, c'est pas sérieux du tout. Si c'était sérieux, les gens ne riraient pas. On ne rit pas du sérieux. Si c'était sérieux, je ne me permettrais pas. Là, aujourd'hui, je me sens un peu sérieux en face de vous. C'est pas déplaisant, d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûr que c'est... Mais dans la vie, vous êtes sérieux. Je suis bien obligé de voir les choses sérieusement. Pour après en faire, si vous voulez, la satire. Pour faire une bonne satire, voilà. Il faut bien voir les choses en face. Enfin, c'est tout, c'est la grande question. Moi, je pense qu'il ne faut pas rêvasser. C'est-à-dire que on en vient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que lorsqu'on est dans la vie, lorsqu'on est dans le réel, il faut l'être totalement avec les yeux grand ouverts. Ben, bon. Et puis, quand on les ferme, Là, il faut se laisser aller dans un autre monde qui est le monde du rêve, de l'imagination, je ne sais pas, un autre monde, le monde peut-être de monde. Il ne faut pas les mélanger. C'est pour ça que lorsque je vois certaines personnes faire du spectacle dans la rue, je pense que c'est une erreur magistrale. On ne fait pas du spectacle dans la lumière du jour. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous auriez pu être un tribun politique. Vous avez la voix, le geste, vous pouvez aboutir... J'aurais pu, pour rire, sûrement. Ah, mais on ne rit pas avec ces chaussées? Ah, ce serait fantastique. Vous voyez à la Chambre des députés, par exemple? Ah, ce serait étonnant. Prenant la parole? Ah, ce serait étonnant. Moi, je m'y verrais bien, pour une séance exceptionnelle. Mais je ne pourrais pas recommencer. Une fois comme ça, oui, je pense que ce serait... Mais je ne suis pas sûr qu'on ferait tellement... Je ne suis pas sûr qu'on ne prendrait pas ce que je dis au sérieux. Je suis assez pessimiste sur ce plan-là. Parce que parler pour ne rien dire, c'est... Vous savez, ça... Il suffit d'une grande conviction d'employer des mots qui sonnent bien, qui ont certaines résonances, et puis ça peut suffire. Pour faire illusion. Ah, parce que... Encore une fois, quand on dit des choses sérieuses, on n'est pas sûr d'être écouté. Du moins d'être entendu. Alors que lorsqu'on dit des choses avec esprit, avec humour, en général, sous cet aspect de plaisanterie, on comprend beaucoup mieux les choses. Vous avez des idées politiques. Elles sont tellement brouillées que finalement je me demande si j'en ai. Mais vous pensez que vous avez raison lorsque vous exprimez ces idées? De quoi, les idées politiques? Les vôtres, oui. Êtes-vous mais sûr d'avoir raison je de... Suis... La politique, déjà, ça va à l'encontre de ce que, du métier que j'exerce. Parce que je veux avoir le droit de dire ce que j'ai envie de dire sans aucun parti pris. Je ne veux pas ménager mon humour. Si je veux pouvoir parler contre le gouvernement si j'en ai envie, si je juge que c'est nécessaire, et contre l'opposition si je pense que il faut le dire. La peur de ne plus être libre. Pour moi, c'est la liberté, c'est capital. Mais alors, sur ce point-là, je suis un homme extrêmement libre. Je suis libre à tel point que je m'amuse quelquefois à défaire les choses. Vous pensez qu'une vie, c'est suffisant pour un homme? Parce qu'on passe à côté de tellement de choses. Oui, ça c'est un problème terrible, parce que là, vous soulevez le problème... Déjà, vous soulevez le problème du comédien, qui, lui, n'accepte pas sa vie. Il a besoin... d'autres, de changer de peau. Et c'est pour ça que quand il n'a pas, il ne peut pas s'incarner dans un personnage, comme ça inventé par quelqu'un, il n'est pas toujours très bien dans sa peau. C'est le phénomène du comédien, c'est un phénomène fantastique. Parce qu'on l'est tous un peu. C'est le phénomène de tout homme. Voilà. Seulement chez l'un, il est déclaré. Il est reconnu, il est admis. Les autres ne le savent pas trop. Mais il y a un tas de gens qui voudraient... D'ailleurs, il y a un tas de gens qui jouent des personnages dans la vie. Mais beaucoup plus qu'on ne croit. Vous êtes vous-même ? Moi, je suis moi-même dans la mesure où je m'oublie. Je suis moi-même dans la mesure où je ne pense pas à moi. Et je crois que c'est ça, si vous voulez la vérité. Être soi-même, c'est s'oublier. Et c'est pas toujours facile de s'oublier. Ne pas être en représentation. Il faut des conditions. C'est pour ça que les gens qui aiment, j'allais dire qui que ce soit, eh bien quand ils aiment quelqu'un, ils s'oublient. S'oublier, moi je m'oublie terriblement quand je sur scène, je m'oublie totalement. Je n'oublie pas ce que j'ai à dire. Dieu merci, je veux dire. Bon. Mais je m'oublie, je ne sais plus trop qui je suis. Mais qui je suis n'a aucune importance. Dans la vie, moi, j'ai beaucoup de mal à m'inscrire dans la société. Je ne sais pas si ce n'est pas une maladie. Vous passez vite, d'ailleurs. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dans la société. Toutes les démarches pour faire des papiers, faire des demandes, ça m'a toujours semblé quelque chose d'énorme, quelque chose... J'ai toujours rechigné. Je voudrais être personne. Il faut bien un nom, bien sûr, il faut des papiers. Mais à ce moment-là, une idée... C'est pour ça que les papiers, ça m'a toujours semblé quelque chose de... Donnez-moi vos papiers. Ça m'a toujours semblé quelque chose de... Je sais pas, quelque chose qui me fait mal. C'est quelque chose qui... Mais alors pourquoi pas l'île déserte ? Pourquoi pas le grand départ ? Mais l'île déserte, vous savez, l'île déserte, qu'est-ce que ça veut dire, l'île déserte ? L'île déserte, possible, c'est l'ennui. Hein. Là, moi, je déteste l'ennui. L'île déserte, ce que vous entendez par l'île déserte, c'est la foule. C'est la vie quotidienne. C'est ça, l'île déserte. La grande solitude. C'est la grande solitude. Bon. Mais ça n'est pas l'isolement. Non, l'isolement, oui, il y a une distinction à faire, bien sûr. L'isolement, c'est malsain. L'isolement. Il y a des gens qui peuvent rester tout seuls quelque part et qui ne sont pas du tout, qui ne s'isolent pas. Il y a des gens qui travaillent dans la solitude, sont des solitaires, ne sont pas des isolés. Mais l'île déserte, c'est une notion bête. Hein. Pardonnez-moi de dire ça, mais ça me semble... C'est... C'est la possibilité. Ah, c'est-à-dire vivre dans un désert à l'approche des humains, il y aurait jamais été dans le désert. Démission totale. C'est à partir d'une espèce de vie en société, qui a prononcé cette phrase, mais il était déjà dans le désert. On parlait tout à l'heure de cette vie qui va vite. Faut-il deux vies pour faire tout ce que l'on a envie de faire, parce qu'il y a la boulimie du savoir, il y a l'orgueil de tout connaître, et pourtant c'est bon parfois d'ignorer, parce que c'est lorsqu'on ignore qu'on sait regarder. Mais vous savez, nous revenons au problème essentiel. Où il y a une autre vie, alors on est sûr d'en avoir deux. En tout cas, une deuxième. Alors, vous y croyez à cette autre vie? Une autre vie où vous ne seriez peut-être plus Raymond DeVos. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Je pense que si une autre vie existait, si elle était possible, on n'aurait pas une telle imagination. Qui prête à confusion. La force de l'imagination, c'est quelque chose d'inouï. On n'aurait pas ce phénomène du rire, qui est un phénomène essentiellement humain, qui est quand même une espèce de une possibilité de se libérer en se moquant. Eh bien, si on est très traversé par la grâce, par une transcendance, je ne pense que tous ces petits phénomènes humains finiraient par s'en aller. On deviendrait tous des saints, petit à petit. Je ne pense pas qu'on en prenne le chemin. Raymond DeVos, vous êtes scrupuleux, angoissé, occupé, mais êtes-vous modeste? Je crois que lorsque je suis modeste, je le suis faussement. Je ne pense pas que la modestie soit naturelle. Je ne le crois pas du tout. Parce que vous êtes épris d'absolu. Ça, je le sais. Mais je crois que ma modestie, elle se mélange avec un certain orgueil, une certaine politesse aussi vis-à-vis des autres, ne pas paraître supérieur aux autres. C'est très ambigu, ces sentiments-là, sentiments de modestie, comme sur le sentiment d'orgueil, comme tout ça. Moi, je ne sais pas trop, je vous le répète. Je ne sais pas trop qui je suis, et lorsque je cherche à savoir qui je suis, ça m'ennuie profondément. J'ai l'impression de perdre mon temps, que c'est parfaitement inutile de savoir qui on est. C'est même un danger, et c'est une perte de temps. Mais c'est la vie qui est dangereuse. On ne saura pas. Il vaut mieux avoir des rapports, même mauvais, avec les gens. Il vaut mieux se lancer dans toutes les directions. Raymond, vous êtes jaloux, mais votre jalousie est belle, parce que vous êtes toujours jaloux de ce qui est beau. Je crois effectivement que je suis très jaloux. Mais vous me parlez de choses qui ne me sont pas particulières. C'est ça qui m'agace un peu, cher Chancel. C'est que... Je sais pas, c'est... On est tous pareils, on a tous des tendances diverses. Alors, moi je peux pas répondre, je suis coincé. Est-ce que vous êtes jaloux, est-ce que vous êtes orgueilleux, comment vous comportez-vous? Je sais pas, je me comporte tellement d'une façon différente. Ça dépend de la situation, de l'instant, de tout ça. Je crois, vous me parlez d'une vie, moi je me trouve infiniment multiple. Mais même au point de vue conscience, je me trouve multiple. La conscience, évidemment, elle est toujours ramenée à un certain visage qui est le mien, à une certaine complexion qui est la mienne. Mais si j'avais pas ça, c'est-à-dire que j'avais pas de temps en temps un miroir qui reflète une certaine tête qui est sur ma carte d'identité, et que je ne peux pas changer. Si j'avais pas ça, je pourrais m'imaginer sans physique différent, selon la conception du moment. Par exemple, par moment, je suis Don Juan. Si j'aime une femme, je suis un Don Juan. Je ne verrai pas éventuellement ma laideur, à moins que, par inadvertance, je passe devant une glace. Vous parlez de votre laideur parce que vous ne vous trouvez pas du tout laid. Absolument. Absolument. Autrement, vous n'employeriez pas le mot. Bien entendu. Bien entendu. Forcément. Bien entendu. Mais vous êtes adulte? Ça, je n'en suis pas sûr du tout. C'est une grâce, alors. Adulte, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est dangereux. Je ne sais pas. Comme je ne le suis pas, lorsque je vois quelqu'un, je rencontre des adultes, j'ai une certaine admiration. Je dis, tiens, voilà des hommes. Voilà des gens qui se sont faits. se sont pas ratés, quoi. Et moi, à côté de ça, je me trouve en mouvement. Je crois que je bouge tout le temps. Je bouge tout le temps. Je ne sais pas si quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis 5 ou 6 ans me reconnaît. Je suis même pas sûr. Pas sûr. D'ailleurs, ça, moi, je ne reconnais pas les gens. Je veux dire que lorsque je ne vois pas quelqu'un depuis un certain temps, j'ai beaucoup de mal à le reconnaître. Avouez, Raymond, que vous êtes agacé lorsqu'on s'attache à ce que vous êtes. Parce que ça vous raisonne très sincèrement. Et oui. Pour une raison bien simple, parce que ça vous occupe beaucoup. Non, ça, c'est ça. Ça, je trouve qu'on perd du temps. On en fait perdre aux auditeurs, en plus. Je trouve que c'est comme raconter sa vie, raconter ce qui s'est passé dans la journée. C'est inutile. Parler des choses, c'est s'en vider. J'ai toujours, par exemple, lorsque j'ai accepté de donner des interviews avant de faire mon tour, j'ai toujours moins bien joué. Parce que il m'enlevait quelque chose, un certain mystère de moi-même. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Très bien. Mais je veux dire que il y a un certain mystère. Je suis un certain mystère. C'est peut-être pour ça que j'aime pas trop qu'on en invente autour de moi, qu'on aille en chercher d'autres. Mais ce mystère-là, je voudrais le protéger de temps en temps. C'est pour ça que quand on me demande qui je suis, je voudrais pas trop... Déjà, je peux pas trop le dire, puisque je ne sais pas. Je voudrais pas trop le chercher à savoir. Je tiens à vous dire que je ne vous ai pas posé la question. Vous avez voulu à tout prix me dire qui vous étiez. Donc... Comme quoi, il y a quand même une explication du personnage. Non, mais en fait, on tourne quand même autour de soi-même, qu'on le veuille ou non. Et c'est votre propre métier qui est en jeu. D'ailleurs, je me demande si, une fois, vous n'avez pas un peu douté de votre métier. Le métier ou moi-même? Vous avez dû vous poser cette question. Ah oui, ça, c'est évident. Ah, oh, ça, c'est même une question extrêmement importante lorsqu'on commence le métier. Parce qu'il y a quand même sa vie d'homme. Moi, je pense qu'à un certain moment, j'aurais pu choisir de devenir un homme. Et que j'ai refusé ce choix. Devenir un homme, c'est prendre des responsabilités d'homme, etc. C'est peut-être une grande lâcheté. Tant pis. Il faut bien choisir. On a quand même le droit de choisir, même d'être lâche. Et il me semble que l'instinct, à ce moment-là, quand on décide, par exemple, de ne pas devenir un homme, c'est-à-dire on décide de continuer de rêver, à loisir, la possibilité de délirer de temps en temps, sans qu'on vienne de dire, dites donc, qu'est-ce que vous êtes en train de tout abîmer, votre vie va en dépendre. Bon, Dieu merci, ma vie n'en dépend pas. Eh bien, je crois que là, il y a l'instinct de l'homme, l'instinct de la responsabilité, l'instinct de procréer, fonder un foyer, tout ça vient vous parler. Viens vous dire, il faut ça, tu as reçu la vie, il faut la donner. Il y a quand même des grands principes, je ne sais pas si on les apprend, je ne sais pas si je les ai appris, peut-être. J'en suis pas sûr. Je pense plutôt que c'est à l'intérieur de nous. Il y a des phrases comme ça qui nous reviennent, qui sont des phrases de moralité profonde, qui ne sont pas dans les livres. Faut pas croire que, parce qu'on n'a pas reçu une certaine moralité, on n'a pas de moralité. Il y a des gens qui ont une moralité comme ça, parce que c'est la conscience, qu'on appelle la conscience. C'est peut-être aussi un certain bon sens. Alors, il y a tout ça qui vient se poser sur l'autre plateau de la balance. Alors là, c'est une question de choix. Mais c'est très dur. C'est très dur tout d'un coup. Il me semble qu'un moine, pour en revenir quand même à une situation excessive... C'est vous qui en parlez. C'est moi qui y reviens. Je pense que tout de même, avant de prononcer les vœux, avant de se décider à être moine, il doit tout de même peser le pour et le contre. Et dites-moi, ça fait des poids, ça. Solitude, passer sa vie en prière, ne pas aimer, ou aimer son prochain, c'est pas une petite chose. Vaut mieux presque aimer une femme qu'aimer son prochain, c'est plus facile. Aimer, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité énorme. Je veux dire qu'à un certain moment, c'est un choix quand même qui est un choix extrêmement important. Parce que le choix, c'est quand même... Ça fait partie du raisonnement. Mais il n'y a pas que le raisonnement chez l'homme. Il y a ses besoins, c'est une espèce de... Il y a des tendances, une espèce d'instinct, et puis vivre. Et moi, évidemment, j'aime mieux vivre un peu dans tous les sens, mais c'est un peu redoutable. Vous connaissez la phrase de Jacques Prévert, dire que dans chaque cerveau, il y a une tête de mort. Ah, c'est admirable, ça, oui, je la connaissais. Fantastique. Mmh. Fantastique. Faut pas trop y penser, mais enfin, c'est... Ah oui, mais c'est dit. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. On peut lui donner un prolongement. Ah, c'est... La tête de mort, qu'est-ce que vous voulez? Oui, à un certain moment, c'est ce qu'on deviendra. Mais enfin, on peut trouver ça rigolo aussi, finalement. On peut rire de tout. Moi, je... Oui, mais oui, enfin, oui, de tout, bien sûr. On peut rire de tout. On peut rire de tout. Sauf... On peut... Sauf de... Non, on peut pas rire de tout. Non, malheureusement. On peut rire de beaucoup de choses. Et il faut rire le plus possible. Mais non, on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire des drames. On ne peut pas rire des... Il y a des visions qui ne sont pas supportables. Je crois qu'il faut essayer de rire des choses pour ne pas ressentir une certaine honte, quand même. Il y a des choses insupportables. Il y a des choses qui... Ah, si de temps en temps... Moi, par moment, j'ai quand même... J'ai honte d'être un amuseur. Je ne pourrais pas être autre chose, je le répète, mais par moment... Il m'est arrivé, par exemple, de faire des parties d'émissions où il y avait une actualité qui était... d'ailleurs, comme tout à l'heure, on a parlé quand même du Portugal, et en ce moment, il se passe des choses qui... C'est vraiment... On sent qu'on rentre en plein... On rentre dans le drame, un drame qui peut être épouvantable. Alors, derrière ça, tout d'un coup, on dit « Monsieur, alors vous êtes un amuseur, bon, alors parlez-nous donc. » Alors, c'est une grande légèreté. Moi, je me suis... J'ai choisi la légèreté. Et vous avez prononcé vos vœux de légèreté. Oui, j'ai prononcé mes vœux de légèreté. Ouais. Et je suis bien obligé de... Et on pourrait même porter joyeusement son mal de vivre, ce que vous faites, peut-être. Non, mais je veux dire que... Moi, j'ai un tas d'ennemis. Tous les événements, dans la plupart des cas, sont mes ennemis. Ce qui vient attrister les gens. Et je me dis, alors, derrière ça, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour compenser? Je crois que plus on a du mal à compenser, parce que vraiment les drames. En fait, il faut vivre quand même, hein, les drames. On peut pas être insensible aux drames. On peut pas rester insensible devant certaines situations effroyables, devant certaines visions. Mais il faut vivre aussi. Alors faut-il vivre sa vie de clown, car nous sommes tous des clowns. La raison du plus fou. Il faut faire la part du fou. J'y reviens constamment. Ça n'empêche pas d'être sérieux quand il faut, d'être grave quand il faut. Mais de temps en temps, pour l'amour du ciel, il faut déraisonner. Un petit peu comme ça. Enfin, Raymond Devos, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Pour la première fois, vous m'avez parlé de vous, et à fond. Pour la vous première... l'avez bien cherché. Vous l'avez voulu. Et vous me l'avez même reproché, ça vous a agacé. Enfin, vous étiez vous-même. C'est-à-dire, dès lors que vous ne jonglez plus avec les mots... Moi, je ne me suis pas trouvé différent du tout, c'est drôle. Mais moi non plus, d'ailleurs. Parce que vous étiez vous-même, et peut-être vous êtes vous-même reconnu. On ne sait jamais. Merci, Raymond Devos.